chers auditrices et auditeurs de radio Isanganiro, bienvenue à l'édition de la mi-journée de ce dimanche 18 décembre 2022. Voici d'abord le sommaire. Plantation de plus de 5 millions d'arbres d'espèces variées en province de Gitega. Au cours de l'actuelle saison sylvicole, annonce du chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement BPI de cette province. La sélection marocaine n'a pas pu se qualifier dans la finale de la Coupe du Monde prévue ce dimanche à 17h entre la France et l'Argentine. Vous entendrez vers la fin de cette édition l'analyse du directeur des sports au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions. Vous aurez droit également à la chronique Nutrition. Aujourd'hui, ça sera sur les bienfaits du petit pois et Kumimana sur la mise en onde. Et à la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page environnement pour débuter cette édition. Plus de 5 millions de plants d'arbres d'espèces variées seront plantés en province de Gitega au cours de l'actuelle saison sylvicole, tel que le précise le chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement BPI de cette province. Jean-Marie Atungimana demande néanmoins à la population de respecter les normes internationales relatives à l'écartement des plants d'arbres pour produire de gros arbres. Quant à eux, certains habitants de Gitega disent qu'ils observent un petit écartement d'un seul mètre, faute de terrain vaste. Plus de détails avec Gérard Nibigira. Jean-Marie Atungimana, Arongo Ikigo, OBPI. On s'excuse pour cet élément qui ne coïncide pas avec l'élément. On va y revenir après. Certains commerçants de la commune Bugendana en province de Gitega déplorent travailler à perte à cause de la mauvaise organisation. C'était ce vendredi lors d'une formation organisée par l'ONG TARS à leur intention sur l'organisation du commerce dans le cadre du projet école du commerce non discriminatoire. Ces commerçants trouvent que cette formation va leur permettre de séparer plutôt le capital. Capital et le gain. Arthur Kavabushi, reportage. Ces commerçants qui ont été formés habitent les collines de la commune Bugendana dans la province Gitega. Parmi les difficultés qu'ils avaient figure le mélange du capital et du bénéfice, selon Ezekiel Ndereimana de la colline Mugitega. J'ignorais comment utiliser les bénéfices car je mélangeais le gain du capital, ce qui m'empêchait de voir ce que je gagnais. À la fin du mois, on nous donnait la quittance annuelle au début de l'année que je payais sans dissoudre le capital du gain car je n'épargnais pas l'argent pour les taxes, même chose pour le loyer. Cependant, parmi les acquis de cette formation figure une bonne organisation, comme le dit Diane Sindiebura de la colline Mirama. Cette formation m'a permis de bien m'organiser. Avant, j'arrivais au travail vers 8 heures et je perdais les clients du matin. Mais maintenant, j'arrive à 6 heures du matin. Et puis, je cuisinais une seule sorte et ceux qui voulaient les pommes de terre me trouvaient avec les bananes uniquement. Mais maintenant, je cuisine deux sortes. Le coordinateur de l'ONG TARS, Dr David Niyonzima, leur demande de partager les connaissances acquises avec les autres. Nous voulons que vous mettiez en pratique ce que vous avez appris et que vous partagiez les connaissances acquises avec les autres. Sostemeni Magalitse, un des formateurs, revient sur les modules dispensés. Bien évaluer les chances de là où tu veux exercer le commerce, savoir comment chercher le capital et le fait de démarrer lentement. Vous saurez que la plupart des commerçants de la commune de Bugendana tombent en faillite à cause de la mauvaise organisation. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Je venais de vous dire, plus de 5 millions de plants d'arbres d'espèces variées seront plantés en province de Gitega au cours de l'actuelle saison sylvicole, tel que le précise le chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement BPI de cette province. Jean-Marie Atungimana demande néanmoins à la population de respecter les normes internationales relatives à l'écartement de plants d'arbres pour produire de gros arbres. Quant à eux, certains habitants de Gitega disent qu'ils observent un petit écartement d'un seul mètre, faute de terrain vaste. Gérard Nibigira. Le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE, à Gitega, M. Jean-Marie Hatungimana, fait savoir que pendant l'actuelle saison sylvicole, plus de 5 millions de plants d'arbres et d'espèces confondues sont replantés dans différents lieux de la province de Gitega. Il ajoute que, suite à la coutume de planter chaque année de nouveaux plants d'arbres, seuls de très petits espaces de moins de 5 hectares de superficie sans boisement s'observent à Gitega. Il remercie en outre la population de Gitega, surtout celle des communes proches de la ville de Gitega, pour leur comportement de planter des arbres essentiellement des eucalyptus. Toutefois, il déplore le fait que cette population ne respecte pas la règle internationale de distanciation de deux plants d'arbres. Conséquence de cela, ces arbres deviennent de très petite taille et de valeur limitée, affirme Jean-Marie Atungimana. Et les écartements qui sont recommandés sont l'écartement de 3 mètres entre deux plants et de 3 mètres. Donc là, vous envisagez de produire le bois d'œuvre. Et si vous pratiquez l'écartement de 2,5 mètres entre deux plants, là, vous envisagez de produire les poteaux. J'ai constaté que la plupart de la population pratique un écartement de 1 mètre fois 1 mètre. Donc là, vraiment, c'est totalement déconseillé. Je les conseillerais de faire tout pour qu'ils adoptent au moins 2 mètres entre deux plants pour pouvoir améliorer la production de bois. De leur côté, les habitants de Gitega qui plantent des arbres avec qui nous nous sommes entretenus disent qu'ils plantent des plants d'arbres à une faible distance entre deux plants parce qu'ils n'ont pas assez de terrain alors qu'ils veulent avoir le maximum d'arbres possible. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Les Burundais doivent maintenir la paix qui la Fondation du Développement. C'est plutôt l'appel du vice-président du Burundi lors de la célébration Burundi de la journée internationale de la paix en province Bubanza au cours de cette semaine. Journée célébrée le 21 septembre de chaque année, Prosper Bazombanza ajoute que tout Burundais doit lutter contre toute forme de discrimination pour une meilleure promotion de la paix. Suivez-le, il est traduit en français par Omer Ndouaye. Au Burundi, cette journée est célébrée sous le thème « Luttons contre tout ce qui peut nous diviser en promouvant la paix ». Ce thème témoigne la raison d'être de lutter contre toute forme de discrimination pour aboutir au développement inclusif durable. Le gouvernement du Burundi s'est engagé à bâtir la paix et se préoccupe de la promotion des droits de l'homme. La paix donc intervient dans le développement de notre pays et les ménages en construisant les écoles, les structures de santé, les usines, les infrastructures publiques, dont les stades et autres. Là où la paix règne, la promotion des droits de l'homme, qui est la fondation de la justice, paix et développement, est garantie. La jeunesse burundaise peut contribuer d'une manière ou d'une autre dans la lutte contre les violences basées sur le genre, par exemple à partir de l'art, comme la comédie. Propos de Jeanne Irakoze, l'organisatrice du spectacle intitulé « Brisons le silence », produit ce vendredi dans le but de dénoncer et dire non à ces violences. Je vous prie de l'écouter au micro de Kazeneza Marie-Claire. Le rôle de la jeunesse, avant tout, c'est par rapport au pouvoir que chacun a. Moi, je suis une artiste, alors j'ai organisé ce spectacle artistique. Je suis en train de collaborer avec les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les conteurs et tout, justement pour lancer les messages. Mais il y en a d'autres qui puissent le faire autrement. Par exemple, on peut aussi organiser des ateliers. Il y en a des associations des jeunes. Quand on implique une fille ou une femme dans tout ce qu'on fait, là, c'est déjà la lutte contre la violence basée sur le genre, parce que là, il y a au moins l'équité des sexes, l'équité du genre. Raison pour laquelle, alors, je dirais que la jeunesse pourrait contribuer d'une façon ou d'une autre par rapport au pouvoir de chacun. Oui, tout le monde aspire à un bon avenir pour une femme, aussi une fille. Que doit-on faire pour déraciner toutes les violences basées sur le genre? Bon, justement, pour déraciner ou mettre fin à toute violence basée sur le genre, c'est un combat à faire à long terme. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est avant tout la sensibilisation. Mais il faut toujours continuer à combattre Après cette sensibilisation, il faut justement le suivi. Il faut aussi continuer à sensibiliser avant tout les filles et les femmes à comprendre que c'est à elles de faire le premier pas pour le changement plutôt que les autres. Il fallait aussi sensibiliser aussi ces violeurs pour lutter contre ces violences. Oser parler de ce qui ne se parle pas, ces violences dont on ne parle pas dans nos communautés, dans nos sociétés. Mais aussi, il faut impliquer ou bien inspirer les jeunes filles et les femmes à lutter contre, disons, le chômage pour leur autonomisation, parce que ça fait mal. De toute façon, nous sommes violés économiquement. Donc, c'est un combat difficile, mais on doit le faire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Actualité sportive. À présent, le manque d'expérience est la raison qui a poussé la sélection marocaine à ne pas se qualifier dans la finale de la Coupe du Monde prévue ce dimanche à 17h entre la France et l'Argentine. C'est l'analyse du directeur des sports au sein du ministère et cependant ses attributions. Laurent Zeimana fait savoir que la sélection française est favorite de remporter le mondial de cette année grâce aux joueurs qui sont habitués à participer dans ces compétitions. C'est VLE au micro de Jean-Marie Vianing. Le champion de la Coupe du Monde de cette édition. Je vous dis que c'était une Coupe du Monde pleine de surprises parce qu'on a vu des grandes figures, des grandes équipes battues et la plupart d'entre eux sont rentrés au pays. Je parle ici du Brésil, je parle aussi de l'Allemagne qui sont à la maison, qui suivent la Coupe du Monde à la télévision comme tout le monde. Mais aussi, je vous dis qu'il y a eu des surprises parce que je me dis que les équipes moyennes ont pu battre les grandes équipes. Je vois le match Tunisie-France où la Tunisie a surpris la sélection française sur un score d'un but à zéro. C'est pour vous dire que la Coupe du Monde se prépare. Ce n'est pas uniquement les grandes équipes, mais aussi les équipes qui sont sur le parcours. Ils s'entraînent, ils préparent la Coupe du Monde. Côté africain, sauf la sélection du Maroc, qui s'est qualifiée pour atteindre la demi-finale, les autres équipes africaines ont été éliminées avant. Qu'est-ce qui a manqué pour ces équipes qui ont représenté le continent africain? Les équipes africaines qui étaient au rendez-vous au Qatar, c'était des équipes qui sont fortes, qui ont un passé qui rassure. Si je parle du Cameroun, je parle de la Tunisie, je parle du Maroc, mais quand même, ils sont partis avec les autres. Sauf bien sûr le Cameroun qui, côté Afrique, il y a moyen de dire que cette équipe jeune du Maroc peut surprendre plus d'un et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde suivante. Parce que c'est une équipe jeune, entre 20 et 30 ans en moyenne. Ces jeunes ont encore la chance de jouer de Coupe du Monde. Si une fois, toujours ensemble, il y a moyen de remporter une Coupe du Monde. Vu la performance de la sélection de l'Argentine et la sélection française, quelle est l'équipe qui est favorite de l'emporter la Coupe de cette année? Pour aujourd'hui, les chances sont données à qui? France, c'est une grande équipe qui joue collectif aussi, mais aussi qui a des ailes très très solides. L'aile droite, comme l'aile gauche, Mbappé et Dembélé, ce sont ceux-là qui ont était l'origine, les buts de Giroud, but marqué de la tête sur des centrés, sur millimétrés. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le petit pois est un aliment riche en fibres et présente des vertus sur le système immunitaire. Le petit pois lutte également contre les maladies oculaires ainsi que le stress. Selon Gilbert Nangouhafi, chercheur nutritionniste, indique qu'il renferme une grande variété de vitamines comme vitamine C, E et les sels minéraux. Chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonga. Comme explique Gilbert Nangouhafi, chercheur nutritionniste, le petit pois contribue à la rémunération de l'organisme en potassium, phosphore et autres. J.B. Nangouafi précise que le petit pois est très efficace pour le bon fonctionnement du transit intestinal. Le petit pois reminéralise l'organisme, notamment en fer, en magnésium, en potassium, en manganèse, en fibre et en phosphore. Il contient aussi des vitamines comme la vitamine E, vitamine A, vitamine C et fer du groupe B. Le petit pois contient aussi des protéines pour 100 grammes de 5 graines. On trouve 5 grammes de protéines et 5 grammes de fibres végétales. Il facilite le bon fonctionnement de l'organisme et surtout pour la bonne digestion car il aide au bon fonctionnement du transit intestinal. Ce chercheur explique que les graines du petit pois aident dans la lutte contre les diverses infections et renforcent le système immunitaire. Ces graines luttent contre les diverses infections et renforcent le système immunitaire. Son écorce lutte contre l'hyperglycémie, favorise l'acuité visuelle grâce à de nombreux antioxydants comme les bêta-carotènes, l'ithioïne, zeaxanthine. Son écorce lutte aussi contre la constipation grâce à ce fibre végétal. Quant à sa consommation, JB Langwafi dit qu'il est conseillé de consommer le petit pois étant frais après la cueillette. Il doit être consommé très frais, maximum 48 heures après la cueillette. Sa faveur sucrée est liée à sa présence de glucides simples qui se transforment très vite en glucides complexes, donc amidon, après la récolte. C'est pourquoi nous donnons des conseils aux personnes ayant le diabète du type 1, type 2 ou type digestationnel, de préférer le petit pois frais et jeune que le petit pois mature ou sec, car celui qui est frais et jeune a une part d'amidon plus faible, du sucre donc proche des légumes. Le petit pois est originaire de l'Iran, Palestine et au Suisse. Au Burundi, le petit pois est cultivé dans différentes provinces comme la province de Kayanza, Changuzo et Bubanza. Et c'est par cette chronique nutrition que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 17h45 pour la dernière édition en langue française. Merci également à Eric Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mucho.